بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à tous pour ce deuxième cours dans l'explication des annulatifs de l'islam. On avait vu lors du premier cours, on avait parlé du polythéisme. Et on avait vu qu'il y a deux formes de polythéisme. Un polythéisme majeur, et c'est celui qui fait sortir de l'islam, tel que le fait d'invoquer les morts. Et il y a aussi le polythéisme mineur. Celui-ci ne fait pas sortir de l'islam, comme la petite ostentation, mais cependant c'est un moyen qui peut amené par la suite au polythéisme majeur. Comme une personne, par exemple, qui a la ferme croyance que les amulettes sont des causes qui permettent d'obtenir la bénédiction d'Allah ainsi que sa protection. Alors ça, c'est du polythéisme mineur. La personne, elle a la ferme croyance que ces amulettes sont des causes qui permettent d'obtenir la bénédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que sa protection. Mais maintenant, si cette personne a la ferme croyance que cette amulette, c'est elle qui protège, c'est elle qui donne la bénédiction de façon distincte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors là, ça c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et donc ça, c'est important. Et maintenant, on voit ce que l'auteur il nous dit. Donc on avait vu le premier annulatif et le deuxième. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ كَفَرَ إِجْمَاعًا. Le deuxième, donc le deuxième annulatif, celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires, qu'il va invoquer, demander l'intercession et placer sa confiance en eux. Celui qui fait ça a mécru selon l'unanimité. Fin de citation. Il a mécru selon l'unanimité. Alors, ce sujet, comme vous pouvez le constater, on l'a déjà vu lorsqu'on a abordé les quatre règles. Al-Qawa'id al-Arba. Lorsqu'on a vu cela à la mosquée Al-Houda, à Villerue. On a déjà expliqué ce sujet dans le détail. Donc, ceux qui veulent voir le sujet de l'intercession de façon détaillée, ils peuvent retourner vers l'explication des quatre règles qui est sur le site, inshallah ta'ala. Et en ce qui concerne le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah, alors il n'y a nul doute que cela fait partie du polythéisme. Cela fait partie du polythéisme. Et donc, en réalité, ce deuxième type d'annulatif qu'on voit aujourd'hui, il fait partie du premier. Car le premier annulatif qu'on a vu, c'était du polythéisme. Et là, ici, l'auteur, il nous cite le fait de prendre un intermédiaire entre nous et Allah. Et ça aussi, c'est du polythéisme. Voilà pourquoi certains savants, ils nous disent, rahmatullahi alayhim, ils nous disent ici, l'auteur, rahimahullah, il a accorder un chapitre spécifique à cette forme de polythéisme à cause de sa grande propagation et de son danger. À cause de sa grande propagation et de son danger. Et en réalité, celui qui médite sur la situation des gens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils se prétendent musulmans, ou alors qu'ils se prétendent chrétiens ou autres, celui qui médite sur leur situation, trouvera que cette forme de polythéisme est très répandue. Le fait d'accorder un intercesseur entre nous et Allah. Prenons par exemple nos voisins, que ce soit en France, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Est-ce que vous savez combien de saints est-ce que les chrétiens ont? Souvent, les gens ils pensent que c'est un chrétien, un saint par jour. Ces saints, selon les chrétiens, ce sont des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah. Ils vont donc les invoquer. En réalité, il y a plus de 6000 saints. Les chrétiens ont plus de 6000 saints chez eux, dans leur croyance, dans leur religion. C'est énorme. Énorme. Le nombre de personnes, d'individus qui sont invoqués en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala chez les chrétiens. Ces gens-là vont donc invoquer des morts, les prendre comme intercesseurs, ainsi de suite. Et il se peut même que les gens, parfois, ils invoquent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Il se peut que les gens, ils prennent comme intercesseurs des imposteurs, comme on a, par exemple, avec El-Badawi. El-Badawi, en Égypte, cet homme qui ne priait pas. Il ne priait pas. Parce qu'il était arrivé à un degré qui fait qu'il est exempt de l'obligation de la prière. Selon lui et selon eux, bien sûr. Et donc les gens vont aller prier, vont aller prendre ce genre d'imposteur pour un saint. Pour un allié d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou alors, il y a une histoire qui est connue en Égypte. L'histoire du cheikh Abi Sari'a, ou alors Abu Sari'a. En fait, c'est un tombeau qu'il y avait en Égypte. Et pour ceux qui veulent se renseigner, il y a des... Justement, cela est passé dans les informations. Si vous regardez Abu Sari'a en Égypte, il y a eu, donc c'est passé au journal télévisé là-bas en Égypte. Ça a fait énormément de problèmes. C'était un tombeau où les gens pensaient qu'il y avait un homme qui était enterré qui s'appelait Abu Sari'a. Alors les gens venaient, ils donnaient l'aumône, ils invoquaient, etc., etc., en pensant que ce Abu Sari'a allait les aider, allait intercéder en leur faveur. Sauf que il a fallu faire des travaux et des modifications. Il a fallu donc déplacer le tombeau. Et en déplaçant le tombeau, ils se sont rendus compte que dans ce tombeau, il n'y avait pas de squelette humain. Mais il y avait donc un crâne de vache. Un crâne de vache. Et à l'époque, donc, les groupes soufis d'Égypte ont dû se justifier. C'était vraiment très pénible pour eux de réussir à se justifier face à cela. Mais subhanallah, malgré cela, les gens, ils continuent. Malgré cela, les gens, ils continuent. Et donc, les gens, ils vont invoquer des morts et les prendre comme intercesseur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de les invoquer, c'est du shirk. Comme l'a cité Abu Daoud dans son Sunan, selon Al-Nu'med ibn Bashir, radiallahu anh, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et donc c'est un acte d'adoration, le fait d'invoquer. Et en réalité, ce qui a fait que ces gens-là sont tombés dans ce piège, c'est qu'ils n'ont pas fait la distinction ils n'ont pas fait la distinction entre le tawassul qui est légiféré et le tawassul qui n'est pas légiféré. Le tawassul, c'est le fait d'utiliser un moyen nous permettant de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'utiliser un moyen qui va permettre que notre invocation soit acceptée. Il y a donc un tawassul qui est légiféré et un tawassul qui n'est pas légiféré. Ces gens-là n'ont pas fait la distinction entre les deux. Et donc les savants nous ont cité plusieurs formes de tawassul qui sont légiférées. Parmi celles-ci, donc tout d'abord, il y a le fait d'utiliser les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que ses attributs. Allah Azza wa Jal qui nous dit « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » À Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec ceci. Alors invoquez-le avec ceci. Et donc, toi, lorsque tu vas invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, et que tu veux que ton invocation soit exaucée, tu vas donc invoquer Allah par ses noms. Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Ya Karim, etc. Tu vas l'invoquer en utilisant ses noms et ses attributs, tabaraka wa ta'ala, et cela, c'est une forme de tawassul, et cette forme de tawassul est légiférée. Nous avons une deuxième forme de tawassul, c'est le fait de céder des bonnes œuvres, des œuvres pieuses. Et donc le fait que la personne, concrètement, elle dise « Oh Allah, telle et telle œuvre que j'ai accomplie, si tu sais que je l'ai fait pour obtenir ton agrément, ta satisfaction, alors accorde-moi une issue, oh Allah. Alors facilite-moi dans ma situation, etc. etc. » La preuve de cette forme de tawassul est le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui est cité dans Sahihayn, dans le recueil de Bukhari et Muslim. Ibn Omar radiallahu anhuma qui nous dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر. Et donc trois individus sont sortis et donc ils furent donc pris par la pluie. فدخلوا في غار في جبل. Ils sont donc rentrés dans une grotte, dans une montagne. فانحطت عليهم صخرة. Alors un rocher est tombé et les a enfermés dans cette grotte. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. Alors certains ils se sont dit mutuellement, invoquez Allah par les plus bonnes actions que vous avez accomplies. Et donc là ici on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, mais en nous aidant des bonnes actions qu'on a déjà faites afin que notre invocation soit exaucée. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. Et donc, l'un d'entre eux, le premier, il dit « Oh Allah, certes, j'avais deux parents âgés. Et je sortais pour faire paître les bêtes. Puis, je venais donc pour traire les bêtes. Et je rentrais avec le lait. Je rentrais auprès de mes deux parents avec le lait. Et ceux-ci le buvaient. Puis, j'en donnais aux enfants, à ma famille, à mon épouse. فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ. Et un jour, une nuit, j'ai tardé. Et lorsque je suis venu, ils dormaient tous les deux, mes parents. Ils dormaient tous les deux. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عندي أو يتضاغون عند رجلي. Il dit donc, je suis rentré, mes deux parents ils dormaient et je détestais le fait de les réveiller alors que les enfants ils Donc, il faisait du bruit, il criait à mes pieds. Les enfants, ils avaient faim. Ma situation n'a cessé d'être comme telle, ainsi que la leur, donc le fait qu'ils dormaient, jusqu'à l'apparition du fajr, de l'aube. Et donc il est resté comme cela, à attendre que ses parents se réveillent. Il n'a pas osé les réveiller. Ensuite il dit, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjatan nara minha as-sama'. Alors il dit ensuite, Ô Allah, si tu sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait en recherchant ta face, donc je l'ai fait pour toi. Alors accorde-nous une issue nous permettant de voir le ciel. Fais anhum. Alors la pierre fut un peu déplacée, une petite issue leur a été accordée. Wa le deuxième. Il dit, Allahumma, in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbu mra'atan min banati ammi ka ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu an-nisa. Faqalat, la tanalu dhalika minha hatta tu'tiyaha 100 dinar. Et donc il dit, cet homme, oh Allah, tu sais, si tu sais que il y avait une femme, j'aimais une femme qui était l'une des filles de mon oncle. Je l'aimais du plus fort, de la façon la plus forte qu'un homme puisse aimer une femme. Et elle a dit que je ne pouvais obtenir cela d'elle qu'en lui donnant 100 dinars. Donc, c'est-à-dire le rapport, le fait d'avoir un rapport avec cette femme, il ne pouvait avoir cela qu'en donnant 100 dinars à cette femme. Alors je me suis efforcé jusqu'à ce que j'ai rassemblé les 100 dinars. Et lorsque je me suis installé entre ses deux jambes, elle a dit, crains Allah. Crains Allah et ne brise le sceau qu'en plein droit, c'est-à-dire n'aie de rapport avec cette femme qui lui dit n'aie de rapport avec moi que si tu es dans ton droit, c'est-à-dire si tu es marié. Alors cet homme il dit fais comme tu as taraktuha. Alors je me suis levé, je l'ai laissé. Fa'in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Et si tu sais que cela je l'ai fait en recherchant ta face, alors accorde-nous une issue. Alors une issue leur a été accordée, une issue donc représentant deux tiers de ce dont ils avaient besoin pour sortir. Et le troisième, il dit. Allahumma in kunta ta'lamu anni istajartu ajiran bi faraqin min dhura fa'ataytuhu wa aba dhaka an ya'khudh fa'amadtu ila dhalika al-faraq fazara'tuhu hatta ishtaraytu minhu bakaran wa ra'iyaha. Et donc le troisième il dit, oh Allah, si tu sais que certes j'ai loué les services d'un employé pour un farak de maïs. Un farak de maïs, c'est une mesure distincte de maïs. Alors je lui ai donné son salaire et celui-ci a refusé. J'ai donc décidé de l'utiliser, de le cultiver, donc le maïs, jusqu'à ce que j'ai pu acheter avec celui-ci des vaches et aussi raïyahé, c'est-à-dire ici, dans certaines narrations, c'est des esclaves ou un esclave pour donc s'occuper des vaches, des bêtes. Thumma ja'a faqala. Puis cet homme est venu et a dit, Ô Abdallah, a'tini haqqi, donne-moi mon dû. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. Alors je lui ai dit, va vers ces vaches ainsi que donc leur berger, l'esclave qui s'occupe d'elles, car celles-ci donc sont à toi, ou ceux-ci sont à toi. قال أتستهزئ بي؟ قال قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. Il dit, est-ce que tu te moques de moi? Il répondit, non, je ne me moque pas de toi, cependant elles sont à toi. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtira'a wajhik fafruj 'anna. Oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela en recherchant ta face, alors accorde-nous une issue. Et à ce moment-là, une issue leur a été accordée, c'est-à-dire une issue leur permettant donc cette fois-ci de sortir. Cette preuve, elle est utilisée par les savants pour montrer que nous pouvons nous aider des bonnes actions que nous accomplissons pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, concrètement, c'est un acte qui est souvent délaissé. C'est un acte qui est souvent délaissé, que beaucoup de nos frères, malheureusement, négligent. Le troisième point du tawassul légiféré, il y a donc le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par l'invocation des pieux, les vivants. L'invocation des pieux parmi les vivants. Le fait de demander à un pieux, est-ce que tu peux invoquer pour nous pour telle et telle raison, etc. Un vivant. Attention, pas un mort. La preuve de cela est le hadith qu'a cité l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Anna Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kana idha qahatu istasqa bil-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Faqal, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina. فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. Et donc Ibn al-Khattab, Omar Ibn al-Khattab radiallahu anhu, il disait donc, lorsque c'était en période de sécheresse, il faisait l'invocation de la pluie et il cédait de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc c'est Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib qui faisait cette invocation sous la demande de Omar. Et Omar, il disait, ô Allah, certes, nous, auparavant, nous faisions le tawassul, nous cherchions à nous rapprocher de toi par notre prophète. Et certes, tu nous accordais la pluie. Et aujourd'hui, nous cherchons à nous rapprocher de toi, nous cherchons à ce que tu exauces notre invocation par l'oncle du prophète, l'oncle de notre prophète. Alors accorde-nous la pluie. Et certes, la pluie leur était accordée. Et donc ici, ceci est une preuve qu'on peut donc aussi demander aux pieux, aux gens qui ont une bonne pratique religieuse, on peut leur demander, les vivants, d'invoquer pour nous. En ce qui concerne le fait d'invoquer les morts, non, ça c'est du polythéisme. Ça c'est du polythéisme. Il n'y a nul doute sur cela. Et donc voilà par rapport à ce sujet. On ne va pas faire plus long que ça ce soir, surtout que ce sujet il a déjà été détaillé, comme je l'ai dit, dans les quatre règles. Ceux qui veulent plus de détails peuvent retourner dans l'explication qui a été donnée des quatre règles. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, en plus ce soir j'ai la gorge un peu sèche. Donc on va arrêter là, bi'idnillahi ta'ala. Et notre rendez-vous, on va continuer les annulatifs la semaine prochaine. Le troisième annulatif, Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayra.